à la cour du doge, en présence du conseil des dix, et en présence de Portilla, déguisé en docteur en droit, et de Nerissa, déguisé en clerc de justice, Shylock refuse l'offre de Bassagne, qui lui propose de lui rembourser 9 000 ducats, le triple de la somme empruntée, en échange de la dette d'Antonio. Et Shylock exige la livre de chair prévue dans le contrat. Le doge, qui souhaite sauver Antonio, sans établir de précédent dangereux, en dénonçant le contrat, car Venise vit essentiellement du commerce, demande à l'Assemblée de s'en remettre au jugement du prétendu docteur en droit, alias Portia déguisé. Cette scène étant, à mon avis, le morceau de choix de cette comédie, en dépit de la multiplicité des personnages, je vais vous la lire, en citant chaque fois le personnage qui parle pour que vous vous y retrouviez.